Chapitre 14e. Le soir du troisième jour après cette rencontre, la bonne Madame Gribeauf alla s'asseoir à l'angle de son jardin, sous le grand champignon en bois qui servait d'abri contre la pluie ou le soleil. Le terrain peu exhaussé en cet endroit dominait à la fois la route qui traversait le village et celle qui menait à la cour seigneuriale de son modeste logis. Elle aimait à venir chercher sous ce refuge les derniers rayons du soleil. Dans la poussière dorée, elle voyait défiler les 6 vaches, les 4 petits chevaux de travail et les quelques moutons qui formaient son troupeau. Puis venaient les oies, sous la conduite d'un petit garçon aux yeux vifs, blonds, frisés, hâlés, héritier de la femme de chambre du lieu et destiné un jour à être le valet de chambre de M. Boris, pourvu que sa sagesse et son intelligence lui permissent d'arriver à ce poste élevé, objet de l'ambition maternelle. Laissant reposer sur ses aiguilles le bas commencé pour son cher fils, Madame Gribeauf avait croisé ses mains sur sa poitrine et regardait paisiblement rentrer les hôtes de la ferme lorsqu'un bruit lointain de clochette attira son attention. Elle écouta, le son se rapprochait. « Dasha, Dasha !» cria-t-elle à sa femme de chambre. « Voici des visites qui nous arrivent, mets vite le samovar à chauffer et dis qu'on enfourne les petits pains. » La maison n'était pas bien loin. L'honnête figure encadrée de cheveux gris qui appartenait à Dasha parut à une fenêtre. « Oui, madame, » répondit-elle, « qu'est-ce qui peut bien venir? Nous avons vu tous les voisins depuis peu de temps. Ce doit être la vieille Popoff. Sers vite des confitures de sorbe, tu sais qu'elle n'aime que celle-là. » Dasha disparut et madame Gribeauf se rassit en attendant l'arrivée de son hôte. Les clochettes avaient cessé de se faire entendre. Dasha, après avoir obéi à la hâte, était venue rejoindre sa maîtresse. Debout sur la pointe des pieds, s'abritant les yeux de la main, elle essayait vainement de percer le nuage de poussière encore mal rassise. « La voilà, madame » s'écria-t-elle enfin. « Elle avait fait le tour par les temps. Mais ce n'est pas son tarantasse, c'est une télègue. »« Une télègue? Tu n'y vois plus bien, ma pauvre Dasha, » dit madame Gribeauf, dont la vue s'affaiblissait depuis quelque temps. « Qui veux-tu qui vienne nous voir en télègue, à moins que l'arpenteur ?» La petite charrette de poste s'était rapprochée, le postillon fouetta ses haridelles, et le même équipage, tintant plus fort que jamais, passa au galop le long de la palissade. « Maman !» cria Boris en agitant sa casquette au-dessus de sa tête. « Seigneur Dieu, c'est toi, Boris !» s'écria la vieille dame, tout éperdue de joie. « Ah, les jambes me manquent, voilà que je ne puis plus courir !» Boris avait escaladé la haie, la télègue gagna la porte au pas, et le jeune homme tomba à genoux devant sa mère. Pleurant et riant à la fois, elle ne pouvait plus parler, et couvrait le front et les yeux de son fils de signes de croix et de baisers entremêlés. « Mon fils, mon Boris, tu es beau, tu as grandi !» Il y avait au moins 18 mois que Boris avait atteint ses 5 pieds 5 pouces. « Que tu as bien fait de venir, mais pourquoi ne m'as-tu pas écrit ?»« Je n'en ai pas eu le temps, » répondit-il. « Je me suis trouvé libre plus tôt que je ne croyais. »« Allons, allons, tant mieux. Combien de temps restes-tu »« Tout un mois, ma bonne mère. »« Madame, le thé est prêt !» cria joyeusement Dasha. « Viens manger un morceau, tu dois être fatigué, » dit la vieille dame en s'appuyant avec orgueil sur le bras de son grand garçon. Comme ils allaient entrer dans la maison, Madame Gribeauf aperçut Sonia, que Boris avait complètement oubliée. Son petit paquet à la main, appuyé contre le mur, elle regardait d'un air morne ces choses et ces gens étrangers qui ne disaient rien à son cœur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» fit Madame Gribeauf, stupéfaite, en s'arrêtant devant ce petit échantillon d'humanité, au type à moitié bohémien. « C'est une petite femme de chambre que je vous amène, » dit Boris en riant. « J'ai pensé que Dasha n'était plus si jeune, et je lui ai trouvé une aide. »« Je ne suis, Dieu merci, pas encore assez vieille pour avoir besoin d'aide, » répondit la digne femme en jetant un regard courroucé sur la frêle créature. « Et puis, quelle aide ?» « Je plaisantais, Dasha, » se hâta de dire Boris. « C'est une bonne enfant qui m'a fidèlement servi. De plus, c'est une orpheline qui n'a plus ni père ni mère, ni toit ni pain, et que je vous prie, ma mère, d'accueillir pour l'amour de Dieu. » Madame Gribeauf se signa, puis étendit la main vers la petite. « Le Seigneur a ordonné d'accueillir tous ceux qui viendraient en son nom, » dit-elle. « Sois la bienvenue, petite fille, à notre pain et à notre sel. Là où il y en a pour 5, il y en a pour 6. Dasha, amène-la à la cuisine, fais-la manger, et ensuite nous verrons ce qu'il y aura à faire. » Ce soir-là, Boris raconta à Madame Gribov tout ce qu'il pouvait lui dire de son séjour chez les Gorelin, en faisant abstraction toutefois de son amour pour Lydie. Il était bien résolu à ne pas attrister les vieux jours de sa mère par les angoisses d'un avenir aussi incertain. Il donna pour prétexte à son prompt retour l'indignation que lui avaient causé les mauvais procédés de Madame Gorelin envers Sonia, et la bonne dame n'eut pas de peine à croire son fils, car plus d'une fois, elle essuya ses larmes au récit des malheurs de la petite abandonnée. « Sainte Vierge, disait-elle à tout moment, se peut-il qu'il y ait des êtres assez oublieux de Dieu pour maltraiter les pauvres et les orphelins ?» Quand Boris eut terminé, « Tu as bien fait, lui dit-elle. Nous emploierons cette petite à travailler dans la maison. Nous lui trouverons bien de l'ouvrage, et pour du pain, nous n'en manquerons pas. Vois plutôt. » Et elle chargeait en souriant l'assiette de son fils de petits pains ronds et dorés qui témoignaient de l'habileté de la vieille cuisinière. Tous les serviteurs dans cette maison étaient au moins aussi vieux que leur maîtresse. 30 ans auparavant, la cuisinière, toute jeune alors, avait confectionné le repas de noces de Madame Gribov. Les 2 ou 3 vieilles femmes qui faisaient le gros de l'ouvrage avaient aussi connu et pleuré le maître, mort jeune et toujours regretté par sa veuve qui n'avait plus songé qu'à son petit garçon. Quoi de plus dur pour la pauvre mère que de se séparer de son Boris? Pourtant, le moment venu, elle avait eu le courage de le mettre en pension à Moscou chez un maître de français, qui lui faisait suivre en outre les cours d'un gymnase russe. L'enfant bien installé, Madame Gribov avait repris le chemin de sa vieille maison du bord de la rivière, mais voici qu'au bout de 3 semaines, Boris avait vu revenir sa mère. « Je ne pouvais pas y tenir, lui dit-elle. Il me semblait toujours que tu avais besoin de moi. Je viens demeurer à Moscou pour tout le temps que tu resteras au gymnase. Tu demeureras chez ton maître, mais je viendrai te voir tous les jours, et nous passerons les dimanches ensemble. » Le sacrifice était grand, bien plus grand que Boris ne pouvait le supposer. Quitter ses habitudes, ses serviteurs, la vie abondante et peu coûteuse de la campagne pour habiter une toute petite maisonnette dans un quartier retiré de la ville et vivre d'épargne, c'était quelque chose. Mais ce qui était bien plus dur pour la veuve, c'était d'avoir quitté sa pauvre petite église de campagne et la dalle où elle se tenait pendant les offices, car cette dalle recouvrait le corps de son mari, toujours pleuré après 10 ans, non de veuvage, mais d'absence, disait-elle. Aussi, quand les beaux jours de l'été revenaient, quelle joie pour toute la maisonnée de voir arriver Madame Gribov et son Boris. Les colliers turbulents donnaient parfois du fil à retordre aux servantes, mais tout en grondant, elle murmurait « C'est qu'il ressemble à son père comme 2 gouttes d'eau !» Et la vénération de ce souvenir éteignait sur leurs lèvres le reproche commencé. Lorsque Boris était entré à l'université en qualité d'étudiant, Madame Gribov était venue habiter la campagne, car le jeune homme devait avoir désormais besoin d'un peu plus d'argent, et le moyen de surveiller ses revenus quand on n'habite pas son domaine. Encore un sacrifice, mais ce n'était ni le premier ni le dernier, et la veuve n'y songeait pas. Toute tranquille qu'elle était, elle avait ramené la vie à Gribova, et les servantes, vieillies mais non usées, avaient salué son retour avec joie. Puis la mort avait fait des vides dans les rangs, et le petit cercle s'était rétréci peu à peu. Sonia apportait dans ce milieu paisible un élément qui tout d'abord ne fut pas le bienvenu, sa sauvagerie, sa complète ignorance des usages du lieu, n'ayant rien d'attrayant pour ces vieilles personnes routinières. Était-elle seulement baptisée? Se demanda-t-elle parfois durant les premiers jours. Le dimanche venu, on la vit aller à l'église, derrière les autres, et regarder, les yeux grands ouverts, les cérémonies de ce pauvre culte de village. Pendant toute sa vie, chez Madame Gorelin, elle n'avait peut-être pas assisté 10 fois aux offices. Cendrillon rustique, on la laissait garder le logis. Et rien ne pouvait être plus humiliant aux yeux de ceux qui la commandaient, aussi bien qu'à ceux de la petite déshéritée. Peu à peu, elle s'habitua au bien-être, inouï pour elle, d'une existence d'où les coups de pied de poing étaient inconnus, où 2 bons repas par jour venaient régulièrement remplir son pauvre petit estomac toujours affamé. Elle resta bien un peu farouche. Elle causait peu et gardait un silence obstiné sur son existence passée. Mais elle se rendit fort utile, à la façon silencieuse et indépendante qui lui était propre. Dès le premier jour, elle avait repris son service auprès de Boris, non sans choquer la vieille femme de chambre qui avait bercé le jeune maître dans ses bras et qui se voyait enlever le monopole des gâteries. Dasha se plaignit un peu, mais Boris la consola avec quelques bonnes paroles et Sonia continua de servir son propriétaire avec ce dévouement d'animal soumis qui la rendait si étrange.